maman était au lit et mon papa au chien. Mais il n'y resta pas car maman le tapa et papa c'est pas tard. Il lui dit le fait est que nous allons fêter l'enfant que je t'ai fait. Il but tant de poteau qu'il but tant un poteau et tipé le topo. Maman dans le coma, papa dans le moka et moi né comme à co. Tout noué, tout est nu, tout menu et tout nu, né tout nu ça nous tue. Car de mon corps pas l'eau, le soleil bouffait la peau sans vous belle peau là. Qui de vos mains de fée en cette fin de mai me graissa de le derme. Et je veux rendre à ma façon, grâce à votre graisse amassée, votre sein doux pour le corset, ce que mes vers pour l'âme sont. De tout ce qu'à ma peau me fit, combien fus-je épaté de fois, combien à vous qui m'épatate, mon bon petit cœur confus doit. Absolument pallier à vos voisins pallier, mais m'entendant piailler. À poil sur la terrasse, en chapeau tête rase, sans que je m'arrêtasse. Enjambant le balcon, un radical bon, vous traitable dans salton. Ma mère dans le coma, mon père dans le moka qui me laissait comaco. Sortant je ne sais d'où, un morceau de sein d'où vous massate soudain. Ma peau piètre de vos froides voix sans rire, de vos belles mains et de vos cils. Jolie phalangeoisée que vous m'avez ôté au citron et au michoui. La douleur qui en douce n'avait sauté qu'aux secousses étranges de vos frictions. De tout ce qu'à ma peau me fit, combien fus-je épaté de fois, combien à vous qui m'épatate, mon bon petit cœur confus doit. Et j'ai rendu à ma façon, grâce à votre graisse amassée, votre sein doux pour le corset, ce que mes vers pour l'âme sont.